Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Claude Askolovitch et je vais vous raconter l'histoire du petit, tout petit chevalier. Il était une princesse que son père, le roi, avait promise en mariage à un grand chevalier costaud et stupide. Ce n'était vraiment pas gentil, mais ce roi n'était vraiment pas courageux. Il redoutait que les ennemis envahissent son royaume et il se disait qu'avoir un grand chevalier costaud dans la famille serait une bonne idée. La princesse n'était pas d'accord, mais elle ne disait rien. En ce temps-là, hélas, on ne demandait pas leur avis aux princesses. Et puis, le chevalier était vraiment très grand, très costaud, très stupide, très jaloux. Il valait mieux faire attention. Heureusement, un autre chevalier était amoureux de la princesse. Il avait vu son portrait dans un journal qui lui était tombé dessus. Ce chevalier amoureux était petit. Je veux dire, vraiment petit. Joli, très joli. Mais très petit, les personnes ordinaires ne le voyaient même pas. Ohé ! Le petit chevalier habitait un tout petit château, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, près du palais royal. Il soupirait après les lieux de son cœur. Un jour, il se décida. Il s'avança bravement devant le garde du palais. « Bonjour !» fit le petit chevalier au garde, qui n'entendit pas. « Bonjour !» refit le petit chevalier au garde, qui n'entendit toujours pas. « Bonjour !» refit le petit chevalier au garde, qui cette fois entendit un drôle de bruit, mais ne vit pas d'où il venait. « Qui me parle ?»« C'est moi, le petit chevalier. C'est moi. Regardez, baissez les yeux là, mais baissez les yeux, je vous dis !» Le petit chevalier cria tant que le garde finit par baisser les yeux. « Oh, une fourmi qui parle ! Je ne suis pas une fourmi, je suis le petit chevalier. » Ah oui, et que veux-tu, chevalier fourmi ? Je veux être reçu par le roi car j'ai l'intention d'épouser sa fille. Le garde pensa que ce bonhomme pourrait distraire le roi. Il prit le petit chevalier dans sa main. « Mais bien entendu, votre fourmi, je vous conduis à sa majesté. » Ce matin-là, le roi s'ennuyait. « Que me portes-tu donc, mon ami ? » Dit-il au garde. « Oh, une fourmi apprivoisée, mais fait-elle des tours ?» Le petit chevalier ne se fâcha pas, il dit au garde « Merci mon brave » et il sauta sur la main du roi. « Votre majesté, je suis le petit chevalier, votre voisin. Je suis brave et de bonne famille et j'aime votre fille que je souhaite épouser. Oh, » oh, oh. Le roi trouva ça amusant. « Mais vous savez mon petit voisin, mon tout petit voisin, il faut d'abord en parler à ma fille. Allons la trouver. » Quand le petit chevalier vit la princesse, il fut si ému qu'il ne pouvait plus bouger. « Ma fille, regarde, j'ai une petite surprise pour toi, » dit le roi. Oh, « Oh, quelle jolie figurine, » dit la princesse. Elle pensait que son père lui avait apporté un objet d'art. « Quel charmant bibelot, qu'il est délicatement sculpté, quelle beauté que ce visage, quelle douceur dans ce regard, on le croirait vivant. »« Mais je suis vivant, » dit le petit chevalier soudain réveillé. « Et cette vie, madame, je la jette à vos pieds, aimez-moi, vous me comblerez. » La princesse n'eut pas le temps de répondre. « Que se passe-t-il ici ?» cria le grand chevalier costaud et stupide, qui était entré en défonçant la porte d'un coup de pied. « Que complote-t-on ? Que cachez-vous, madame, derrière votre dos ?» La princesse avait saisi le petit chevalier pour le dissimuler derrière elle, et le petit chevalier, au creux de sa main, n'avait jamais été aussi heureux en dépit du danger. Le grand chevalier costaud et stupide bouscula le roi. Il saisit le bras de la princesse. Il lui ouvrit sa main. Il prit le petit chevalier entre son gros pouce et son index et le souleva devant son visage. « Qu'est-ce donc que cet avorton qui ose s'introduire dans les appartements de ma fiancée ?»« Monsieur, » dit le petit chevalier aussi dignement que possible, car il est difficile de parler quand on est suspendu au-dessus de la bouche puante d'un géant. « Monsieur, » cette jeune femme est ma future épouse. Je l'aime et son amour, je le sais partager. J'ai pu le lire dans la paume de sa main quand elle m'abritait. Reposez-moi donc à terre et laissez-nous à notre bonheur si vous êtes un homme d'honneur. Le grand chevalier costaud et stupide éclata de rire. Ah, entendez-vous, madame, cette fourmi se dit aimée de vous, n'est-ce pas la chose la plus plaisante ? Le silence de la princesse le troubla. Se pourrait-il, madame ? « Attention à vous, attention, je vais croquer cet audacieux soupirant. »« Non, cria la princesse. « Ne le tuez pas, je vous épouserai !»« Eh bien, madame, pour vous, voici. » Le grand chevalier costaud et stupide ouvrit une fenêtre. Il lâcha le petit chevalier dans le vide. Il lui souffla dessus si fort que ce souffle porta le petit chevalier à des kilomètres du château. Tandis qu'il planait, le petit chevalier se mit à pleurer. « Ah, que je suis malheureux d'être si petit !» soupirait-il au milieu des oiseaux. « Quelle injustice de ne pouvoir se battre ! Comment ma princesse pourra-t-elle m'aimer après m'avoir vu humilié ?» Il gémissait encore quand il atterrit près de l'entrée d'une grotte. Il gémissait tant et tant « Que je suis malheureux, mais que je suis petit !» qu'il n'entendit pas les ronflements d'un dragon qui, au fond de la grotte, faisait une bonne sieste et que les pleurs finirent par éveiller. « Non mais c'est quoi ce raffut ?» cria le dragon qui en souffla des flammes et la grotte fut illuminée. « On ne peut même plus dormir tranquille dans ce pays !» ajouta le dragon et ses flammes se firent plus brûlantes encore. Le petit chevalier aurait dû avoir peur, mais il était si malheureux qu'il ne ressentait rien, il continua à pleurer de plus belle. Et puis après tout, si le dragon le mangeait, au moins il ne souffrirait plus. On n'avait jamais vu autant de larmes sortir d'un si petit corps, et ces larmes rencontrèrent les flammes qui sortaient du dragon, et elles les éteignirent. Car rien n'est plus puissant que les larmes d'un amour malheureux. Le dragon éternua. Hachoum ! Et il regarda avec curiosité le petit bonhomme. « Que t'arrive-t-il, mon ami ?»« Il m'arrive, dragon, que j'aime une princesse et qu'elle ne peut m'aimer. » Le petit chevalier raconta son aventure et se remit à pleurer. « Attends donc, malheureux !» dit le dragon. « Tu vas me noyer !»« Écoute-moi, si tu as honte d'avoir été battu par un grand chevalier, tu peux te vanter d'avoir éteint un dragon !» Le petit chevalier fut étonné. « Je serai donc puissant en dépit de ma taille ?»« Non seulement puissant, » répondit le dragon, « mais bientôt rusé et puis aimé, si tu écoutes le petit tour que je te propose. » Et le dragon murmura à l'oreille du petit chevalier et l'on entendit des rires dans la grotte. Le lendemain, il se passa ceci. À midi tapante, un dragon survola la capitale du royaume et, plongeant sur un marché, rôtit 3 boucheries, 5 étalages de fruits et 32 panneaux publicitaires. Le lendemain, le dragon revint et brûla 5 banques et le centre des impôts. Le surlendemain, le dragon s'en prit au poste de police, à une blanchisserie et à l'hôtel du commerce. Le sur-surlendemain, le dragon attaqua le palais royal, dont il brûla la tour gauche, celle où le roi rangeait sa collection de bandes dessinées. Le roi, furieux, alla trouver le grand chevalier, costaud et stupide, qui regardait la télévision. « Dites-moi, mon gendre, » dit le roi. « Ouais ?»« Vous ne croyez pas qu'il serait bien temps de vous rendre utile ?»« De quoi ?»« De ce qu'un dragon brûle la moitié de la ville et s'attaque au château, et si un jour vous souhaitez régner sur autre chose que descendre, il serait temps de le chasser. »« Mais j'ai jamais chassé de dragon, » dit le grand chevalier, costaud et stupide. « Allons, allons !» répliqua la princesse, qui était là, qui avait tout entendu, qui s'amusait beaucoup. « Je suis certaine qu'un grand bonhomme comme vous n'a pas peur d'un lézard, et jamais en tout cas je n'épouserai un froussard. » Le grand chevalier costaud et stupide enfila son armure et sortit du château. Le dragon l'attendait. Il fonça sur lui. Il cria « Bouh !» et le grand chevalier tomba dans les pommes. Quand il se réveilla, il faisait très chaud dans son armure. Le dragon soufflait sur lui une petite flamme. Il était en train de le cuire juste à point. Le grand chevalier, costaud et stupide, s'arracha du métal brûlant et, en caleçon, courut si longtemps qu'on ne le revit jamais. Le soir, dans la grotte, le petit chevalier battit des mains quand le dragon lui racontait la scène. « Tu es prêt, » dit le dragon, « car demain, c'est ton jour. » À l'aube du jour suivant, le dragon amena le petit chevalier aux portes de la ville. Il marcha jusqu'au palais royal, il appela le garde. « Oh !» dit le garde. « Monsieur de la fourmi, que faites-vous ici ?»« Conduis-moi vite au roi, il en va de ta vie. » Le garde porta le petit chevalier jusqu'aux appartements royaux. La princesse l'aperçut. « Vous êtes donc vivant ?»« Pour vous servir, madame. On me dit que vous avez un problème de dragon, je suis la solution. » Le roi soupira. « Mais que pouvez-vous faire, monsieur, contre un monstre ? Vous êtes, pardonnez-moi, de la taille d'une fourmi. » Le petit chevalier ne se laissa pas démonter. « Je chasse d'abord la bête, puis vous me donnerez la main de votre fille. »« Oui, père, donnez-lui sa chance, » dit la princesse qui regardait le petit chevalier avec intérêt. Eh bien, soit, dit le roi. À ce moment précis, le dragon pointa son museau à la fenêtre du château. Il envoya une flamme brûler le canapé où reposait le roi. Ah, oh, papa ! On entendit des cris. On vit le petit chevalier sauter sur le museau du dragon. Il cria « À moi, monsieur dragon !» et il planta sa petite épée juste au-dessus de la narine droite. Alors, le dragon poussa un hurlement. Il retira sa tête, il fit 1000 cabrioles dans le ciel, hurlant toujours comme s'il allait mourir, et s'envola jusqu'à sa caverne où il hurlait encore, mais là, il hurlait de rire. Quel comédien je suis, riait le dragon, et quel comédien est mon petit chevalier. Au palais, la princesse prit le petit chevalier dans le creux de ses mains, elle le souleva jusqu'à ses lèvres et lui donna un baiser. Vous devinez la suite? Certains disent que le petit chevalier grandit d'un coup. D'autres racontent que la princesse se réduisit à la taille de son aimé. En tout cas, ils se retrouvèrent à égalité, ils s'aimèrent et ils firent des enfants. Le royaume vécut en paix car le dragon continua de voler au-dessus de sa capitale, mais cette fois pour la protéger. Il s'était excusé auprès du roi et de ses sujets, et quand ils surent qu'il s'agissait d'une ruse pour l'amour, les habitants lui pardonnèrent. On dit parfois que le dragon était une dragonne. Elle était vieille et sage. Elle promenait sur son dos les enfants du petit chevalier et de la princesse. Le roi, devenu grand-père, les accompagnait. Il aimait beaucoup discuter avec la dragonne. Et la dragonne, tendrement, quand il faisait la sieste, lui réchauffait les pieds de sa flamme. Elle éloignait les fourmis qui perturbaient son sommeil. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.